Baruch Spinoza naît le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de commerçants juifs portugais. Il est l'auteur de plusieurs traités politiques et de l'éthique, un livre qui se déploie en 5 parties qui trace pas à pas, et à pas lent, prévient son auteur, le chemin vers la vérité, c'est-à-dire vers la libération. Son œuvre, comme toutes les grandes œuvres, est souvent réduite à quelques citations qui sont devenues des malentendus. Et ce sont ces malentendus que nous allons prendre le temps d'examiner et qui sait de dissiper cette semaine. On commence en plongeant dans le XVIIe siècle, qui est le siècle de Spinoza, mais aussi celui de Rembrandt, Molière, Descartes, Galilée et Pascal. C'est grand clocher. Bienvenue à Amsterdam. Madame, l'église au 100 carrés. Toutes les couleurs, les tous les enfants à Amsterdam. Baruch ben Michael de Spinoza. Dans l'atelier de Rembrandt, on travaille. Oui, je sais. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave, asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Qui parle donc ? Le grand Descartes. Vous pouvez vous mettre là-bas. Maître Galilée, j'ai été chargé par le Très-Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Grâce à cette machine, il peut se faire quantité et toutes sortes de calculs. Elle est l'œuvre de Monsieur Pascal. They consent to the banishment forever of Baruch de Spinoza from the nation of Israel. Oh oui, mes frères, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam. Bonjour Ariel Suami. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Spinoza. On peut dire que vous l'avez travaillé toute votre vie, non ? Depuis pas mal de temps. Il reste encore beaucoup à explorer. Alors avant d'entrer dans l'œuvre proprement dite, pourquoi était-il dangereux d'être philosophe au XVIIe siècle ? C'est ce que le mix préparé par Nicolas Berger laisse entendre, et en particulier à Amsterdam. Alors, il y a deux questions, parce qu'il pouvait être dangereux d'être philosophe au XVIIe en Europe. Il pouvait être dangereux aussi d'être philosophe, plus particulièrement à Amsterdam et encore plus particulièrement dans la communauté juive dans laquelle Spinoza est né. Donc, d'une certaine façon, ces trois dangers peuvent se résumer à un danger principal qui est la religion, ou du moins une certaine conception que Spinoza dira superstitieuse de la religion. Et c'est sur ce point essentiellement que les philosophes, de Galilée à Descartes et à Spinoza, sont regardés d'un mauvais œil par les autorités ecclésiastiques. Et il faut dire que de religion, en tout cas de Dieu, on peut distinguer les deux, il est beaucoup question dans l'éthique de Spinoza justement. Le premier livre de l'éthique s'intitule justement « De Dieu ». Est-ce à dire que c'est le Dieu de la religion ou, comme le disait Pascal, le Dieu des philosophes ? Alors, du point de vue de Spinoza, il s'agit du même Dieu. Et si l'éthique commence par dire « par Dieu, moi j'entends ceci », il veut dire « voilà le Dieu dont parlent les religions, je vais maintenant en donner une définition rationnelle, mais ce n'est pas pour opposer le Dieu de la religion au Dieu des philosophes, selon la formule de Pascal. » Du point de vue de Spinoza, au contraire, il y a une parfaite harmonie, une parfaite convergence entre la religion véritable et la philosophie. Par contre, entre les deux, si on peut dire, l'ennemi ou l'obstacle, ça va être la superstition, qui, elle, détourne l'idée de Dieu vers des conceptions imaginatives contraires, aussi bien, selon Spinoza, à la raison qu'à la vraie religion. Donc le vrai débat, en fait, pour lui, est entre la vraie religion et la fausse religion. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le climat au XXIe siècle est différent du climat du XVIIe siècle ? La lecture de Spinoza ferait l'objet de moins de malentendus, justement, ou serait moins dangereuse, puisque la religion n'occupe pas la même place ? De ce point de vue, peut-être, effectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis 3 siècles, le spinozisme, qui a été en un premier temps conspué et regardé de très très mauvais œil, a peu à peu... très lentement, d'abord au XVIIIe siècle grâce aux Lumières, et puis au XIXe siècle grâce notamment aux études religieuses précisément, c'est-à-dire aux études bibliques que dont Spinoza est un des principaux fondateurs, l'idée spinoziste a progressé, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, le sujet qui va nous occuper peut-être aujourd'hui, qui est celui de la liberté, reste encore très discuté. Et de ce point de vue, Spinoza est toujours assez sulfureux. Alors allons-y, en effet, on va commenter chaque jour une citation de Spinoza et voir... Et essayer de la comprendre pour ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre, ou en tout cas elle va contre une certaine intuition que nous pourrions avoir de la liberté. On trouve dans une lettre à son ami Schuller, écrite en 1674, donc à la fin de sa vie, la phrase suivante « La liberté consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés ». Autrement dit, on le traduit souvent en disant « La liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent ». Ça veut dire non pas que la liberté n'existe pas, mais qu'elle ne s'oppose pas au déterminisme. On peut commencer par le dire ainsi. Alors, cette citation est une critique de la notion ordinaire de liberté. C'est-à-dire, en fait, la phrase exacte dit « ce que les hommes entendent par liberté ou ce qu'ils s'imaginent être liberté n'est pas autre chose que l'ignorance des causes qui les déterminent ». Et donc, c'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions ou des pensées à partir de rien. Mais ça, c'est une illusion que le spinozisme détruit, entend détruire, pour y opposer une autre conception de la liberté qui, elle, est effectivement compatible avec le déterminisme universel. Ce déterminisme qui est effectivement l'objet et la matière même de la science du XVIIe siècle. Tous les grands savants, les Galilée, les Descartes, ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire par des relations causales que la science, que les mathématiques peuvent comprendre. Alors, simplement, il y a une exception du point de vue des hommes du XVIIe siècle, du point de vue de ces savants, qui continue à échapper au déterminisme, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué de ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, en cela, il échapperait au déterminisme universel. Et le propos de Spinoza est tout simplement d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme, c'est-à-dire que les hommes, eux aussi, comme tout le reste dans la nature, sont totalement déterminés dans leurs actions. À partir de là, son propos est de repenser la liberté et de dire la liberté, ce n'est pas le fait d'échapper au déterminisme, mais c'est le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa propre nature et non pas de l'extérieur par des causes qui nous sont contraires. Donc il propose une toute autre définition de la liberté. Voilà, mais ce faisant, il ne renonce pas à cette idée-là. Il en propose une nouvelle définition. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux définitions sont incompatibles. Oui. C'est-à-dire que c'est l'une contre l'autre. Si vous pensez que nous sommes totalement indéterminés, alors ce n'est pas la peine de chercher les causes qui nous déterminent, puisqu'il n'y en a pas. Au contraire, si vous pensez qu'il y a une détermination qui définit notre liberté, alors, évidemment, l'obstacle, ce sont les gens qui s'imaginent qu'il n'y en a pas. On va prendre un exemple pour comprendre ce que ça veut dire. En écoutant un extrait de cette lettre à Schuller, donc dans la correspondance de Spinoza, il prend l'exemple du bébé qui croit librement appéter le lait ou l'enfant en colère qui croit vouloir la vengeance. Écoutez les mots avec lesquels Spinoza décrit cette illusion qu'est la liberté présentée comme libre arbitre et ce qu'il suggère à la place, les mots qu'il va proposer pour remplacer cette définition-là. C'est un texte lu par Éric Herson-Macarel. Voilà cette fameuse liberté humaine que tous se vantent d'avoir. Elle consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. C'est ainsi que le bébé croit librement appéter le lait, que l'enfant en colère croit vouloir la vengeance et le peureux la fuite. Et puis, l'homme ivre croit que c'est par un libre décret de l'esprit qu'il dit des choses qu'il voudrait avoir tues une fois dégrisées. C'est ainsi que le fou, le bavard et beaucoup d'autres de cette farine croient qu'ils agissent par un libre décret de l'esprit et non qu'ils sont emportés par une impulsion. Parce que ce préjugé est inné chez tous les hommes, ils ne s'en libèrent pas si facilement. L'expérience l'enseigne plus qu'assez. Rien n'est moins au pouvoir des hommes que de modérer leurs appétits. Souvent, quand des affects contraires s'affrontent, ils voient le meilleur et ils font le pire. Mais en dépit de cela, ils se croient libres. Et cela vient du fait qu'ils ont pour certaines choses un appétit léger et qu'ils peuvent facilement contrarier cet appétit par le souvenir d'une autre chose, souvent rappelée à leur mémoire. Thank you. Le terme qui revient à plusieurs reprises dans ce texte, Ariel Suami, c'est celui d'appétit. L'appétit, déjà, comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que c'est une des choses qui nous détermine, justement? Oui, l'appétit, qu'on peut aussi nommer désir. Alors là, dans le texte, c'était traduit par le verbe un peu étrange de « appéter » qui n'est pas tellement utilisé aujourd'hui. On peut simplement traduire par « avoir l'appétit de » ou « simplement désirer ». Et c'est tout simplement, au fond, chez l'homme, la version du grand principe de la science, de la physique du XVIIe siècle, qui est ce qu'on appelle en termes latins le conatus ou l'effort, c'est-à-dire que toute chose fait effort pour conserver son mouvement et sa direction. C'est le principe de la physique générale. Et Spinoza tout simplement l'applique aux hommes et dit bah, les hommes eux aussi, de même qu'une pierre par exemple qui tombe, bah, tend à conserver son mouvement et à continuer à persévérer dans son être acquis tel qu'il est déterminé, et bien l'homme c'est exactement pareil. Simplement nous avons une nature, une complexion assez compliquée. Donc nous avons plein de désirs qui nous poussent dans un sens, dans un autre. Les petits-enfants désirent le lait, les petits garçons se venger quand on leur a fait des injures, l'ivrogne désire boire de l'alcool. En fait, tous sont déterminés par la structure de leur corps et leur imagination telle qu'elle est constituée. Et c'est cela qu'on imagine être de la liberté, parce que les hommes ont bien conscience de ces désirs. J'ai bien conscience quand je suis un enfant de désirer le lait, etc. Mais je ne sais pas, j'ignore complètement le mécanisme physiologique qui fait que je désire ce lait ou que je désire cet alcool quand je suis un ivrogne. Et donc l'ignorant, j'imagine qu'il n'y en a pas. Et c'est cela que les hommes appellent liberté. Mais cet exemple de la pierre pose problème parce qu'en effet, plus tard dans la lettre, il dit bien « Imaginez une pierre que l'on jette, elle va se mouvoir nécessairement selon la trajectoire du jet ». Et imaginons que cette pierre puisse penser elle-même, elle se dirait, bah voilà, je vais où je veux, alors qu'en fait, c'est le résultat d'un jet initial. Mais un homme n'est pas une pierre. Un homme, vous l'avez dit, est traversé de différents affects et d'un désir que la pierre ne connaît pas. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette comparaison peut vraiment tenir? Il s'agit d'une comparaison. Effectivement, elle n'est pas, en tant que telle, elle n'est pas une démonstration. Il s'agit simplement de faire comprendre ce que Spinoza veut dire. Et c'est pour d'autres raisons plus fondamentales qui sont à chercher dans sa métaphysique qu'il considère que l'homme est comme les autres êtres de la nature, un individu déterminé par l'ensemble des causes, puisqu'il ne pourrait pas échapper à l'ensemble des déterminismes naturels. Donc l'exemple de la pierre est simplement un exemple pédagogique pour nous faire comprendre le mécanisme de l'illusion. De même qu'une pierre qui aurait cette soudaine conscience de son effort pour tomber, imaginerait qu'elle est libre parce qu'elle ignorerait ce qui l'a déterminée à tomber, eh bien de même, nous, malgré la complexité effectivement de nos désirs, c'est la même chose, nous ignorons énormément de causes qui nous déterminent, et par conséquent, la plupart du temps, nous pensons que nous sommes indépendants de toute cause, que nous sommes capables d'agir selon notre bon vouloir ou mauvais vouloir, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de spécificité humaine de l'homme pour Spinoza? Puisque dans l'éthique, justement, il montre que ce que nous appelons la nature est Dieu et inversement, et que nous ne sommes pas une substance, seul Dieu est substance, et l'homme n'est finalement qu'un reflet de cette substance, au même titre, sans doute, que les animaux, que les autres êtres vivants. Comment penser une spécificité humaine avec Spinoza, ou est-ce qu'il faut y renoncer? Alors, un reflet, je ne dirais pas un reflet, parce que justement, Spinoza récuse cette idée d'analogie, d'image qui survit encore dans les métaphysiques de ses contemporains, par exemple chez Descartes, on le voit bien. Justement, l'homme n'est pas une image de Dieu, il est une production de la nature, c'est-à-dire de Dieu. Alors, à ce titre, effectivement, il ne se distingue pas des autres animaux, de tous les êtres naturels, il est un mode de la substance, entièrement déterminé. Par contre, il est un mode bien particulier, il n'est pas le même mode que les autres. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la lettre à Schuller, il fait remarquer que les hommes sont victimes de cette illusion du libre-arbitre, et il ajoute, ils ne s'en libèrent pas facilement de cette illusion. Ce qui veut dire qu'ils peuvent quand même s'en libérer. Et c'est ça qui va être spécifique de l'homme, c'est que l'homme est capable, s'il réfléchit, s'il pense les causes des choses, s'il s'élève jusqu'à l'idée de Dieu, ce que les autres animaux et a fortiori les pierres ne peuvent pas faire parce qu'elles n'ont pas la même structure organique et intellectuelle, eh bien l'homme, lui, au contraire, a la capacité de se libérer. Et donc, s'il n'est pas libre au sens du libre arbitre, il est capable néanmoins de se libérer des illusions. Et la vraie liberté, elle est là, dans la libération et non pas dans la simple faculté libre donnée dès le départ. Et donc cette liberté qui est en fait une libération, il faut bien distinguer les deux, le terme de libération impliquant ce processus auquel nous invite d'ailleurs l'éthique même de Spinoza, ne peut s'obtenir qu'au prix de la réflexion, de la connaissance, et c'est en cela que la philosophie est utile, parce qu'elle nous conduit vers cette forme de libération. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, pour Spinoza, la connaissance et la liberté sont une seule et même chose. Nous sommes, alors, puisque la libération est la vérité de la liberté, c'est-à-dire que nous sommes vraiment libres dans la mesure où nous nous libérons de nos illusions, eh bien, cela signifie que nous sommes plus ou moins libres, contrairement aux théoriciens du libre-arbitre qui pensent que nous sommes d'emblée totalement libres et que nous avons cette faculté dès la naissance. Spinoza pense qu'à la naissance, nous sommes très très très peu libres, mais que peu à peu, en développant notre intellect, c'est-à-dire en notre connaissance des causes, des choses, nous pouvons peu à peu nous libérer. Et donc la liberté, c'est une question non pas de tout ou rien, je dirais, mais de plus ou de moins. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins libre, et l'homme totalement libre n'existe pas, parce que nous sommes toujours ignorants de beaucoup de choses qui nous déterminent, mais nous pouvons accumuler des connaissances et donc développer peu à peu notre liberté, l'être plus ou moins. Donc plus l'homme connaît, plus il est libre. Oui, c'est effectivement ça. Plus on connaît, c'est ce que dit la cinquième partie de l'éthique, plus nous avançons, plus notre entendement se développe et obtient de connaissances, plus nous sommes libres. Alors il faut être précis quand même, un peu plus précis, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quelle connaissance, ce n'est pas simplement des petites connaissances factuelles, ce sont des connaissances qui rapportent tout finalement à la première de toutes les causes, à savoir Dieu. Et donc c'est plus nous sommes capables de rapporter nos connaissances à l'idée de Dieu qui en est la cause première, que nous sommes d'autant plus libres. C'est là qu'est le point, et c'est ici justement que Spinoza retrouve l'inspiration religieuse. C'est-à-dire que pour lui, c'est la connaissance qui mène véritablement non seulement à la connaissance de Dieu, mais même à ce que la religion appelle traditionnellement le salut ou la vie éternelle. Plus nous connaissons les choses à partir de l'idée de Dieu, et bien plus nous connaissons les choses comme Dieu lui-même, et à ce moment-là, plus nous gagnons en éternité nous-mêmes. Et donc, la liberté pour Spinoza, elle est là, elle est dans le fait de confondre notre intellect avec l'intellect même de Dieu. Mais ça présuppose l'existence même d'un Dieu. Je me mets à la place, et c'est une objection qu'on fait souvent, même à la pensée de Spinoza, à la place d'un auditeur, par exemple, qui se dirait « d'accord, mais moi je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que je ne peux pas me libérer, ça veut dire que l'éthique de Spinoza ne va pas me parler parce que je ne présuppose pas l'existence d'un Dieu qui serait à l'origine de la création de ce monde ». Je pense cet auditeur peut se rassurer parce que le Dieu de Spinoza ne fait pas l'objet d'une croyance et d'autre part il n'est pas non plus à l'origine de la création du monde. L'idée d'un Dieu créateur qui ferait l'objet d'une foi, ça ce sont des idées qui appartiennent à l'imaginaire religieux qui sont relativement secondaires par rapport à ce que selon Spinoza est la véritable religion qui consiste non pas dans la foi mais dans la connaissance même de l'idée de Dieu. Donc c'est une connaissance rationnelle qui se démontre, c'est l'objet de la première partie de l'éthique que de dénoncer, que de définir et de déduire l'existence de Dieu à partir de son essence. Et ce Dieu n'est pas créateur, c'est-à-dire que, et c'est là qu'on retrouve la critique de l'idée de liberté, parce que Spinoza critique l'idée de liberté chez l'homme, il la critique aussi chez Dieu, c'est-à-dire que le Dieu créateur qui, de son propre vouloir, de sa propre volonté libre, sortirait le monde de son chapeau, en quelque sorte, ça relève de l'imagination pure et simple. Ce n'est pas du tout comme ça que Spinoza se représente Dieu. Il se représente Dieu comme la nature elle-même dans sa productivité nécessaire. Donc il n'y a pas à proprement parler de création, il n'y a pas d'un Dieu antérieur au monde, mais le monde et Dieu sont une seule et même chose qui existe nécessairement de toute éternité. Donc il n'y a pas d'origine. La question de l'origine ne se pose pas. Voilà, la question de l'origine au sens du moins d'une création, de temps, disons, d'un créateur et de sa création, n'a pas à être posée. Alors on va essayer de prendre un exemple cette fois-ci, non pas dans le corpus des textes spinozistes, mais dans un film, parce qu'on peut se demander si ce qu'on est en train de raconter, si l'éthique de Spinoza finalement ne fait sens que dans le cadre de la pensée spinoziste, ou si on peut en faire l'expérience. Et évidemment, on peut en faire l'expérience, en voici la preuve. Imaginez un monde qui, pour le coup, aurait été créé de toutes pièces, dans l'intellect d'un homme qui aurait inventé une ville, un pays et un individu qui serait né dans ce pays et qui donc se croirait absolument libre, ce qui ne serait pas que ce pays, que cette ville sont le fruit de l'imagination d'un seul homme. La question est de savoir, est-ce que le jour où il apprend qu'en fait il est dans une espèce de jeu virtuel, est-ce qu'il choisira de rester dans ce jeu, de vivre dans l'illusion réconfortante, ou est-ce qu'il choisira la voie de la vérité et au prix d'une grande douleur qui sera de réaliser que ce qu'il tenait pour vrai n'était en réalité que de la fiction, que de l'illusion. C'est le scénario du film qui s'appelle Le Truman Show, dont voici un extrait. Toute la vie d'un homme, captée par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées, est retransmise en direct, sans aucun montage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Voici, pour la 30e année consécutive, Le Truman Show. Mais rappelons à nos téléspectateurs pourquoi, à l'époque, papa avait disparu du scénario. Comme Truman grandissait, il nous fallait trouver des moyens de le retenir sur l'île de Sea Haven. Je veux être explorateur, comme le grand Magellan. C'est comme ça que j'en suis arrivé au concept de la noyade de Kirk. Ça a été très efficace, puisque depuis, Truman est terrifié par l'eau. Un spectateur nous appelle de Charlotte, en Caroline du Nord. Posez votre question à Christophe. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous êtes un menteur et un manipulateur. Ce que vous faites vivre à Truman est monstrueux. Ah. Grâce à moi, Truman a eu la chance de grandir dans un monde de rêves. C'est votre monde, celui dans lequel vous vivez, qui est anormal. Sea Haven, c'est le monde tel qu'il devrait être. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Regardez-le, voyez ce que vous avez fait à cet homme. Il peut partir à tout moment, à condition que cela réponde à autre chose qu'une vague ambition, bien sûr. Il faudrait qu'il soit absolument déterminé à découvrir la vérité. Alors rien ne pourrait l'en empêcher. Je crois que ce qui vous chagrine, en réalité, c'est qu'en fin de compte, Truman préfère sa cellule, comme vous dites. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de Spinoza cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Ariel Suami, qui est chez lui, je suis chez moi. On reprend les émissions de radio pour notre plus grand plaisir. L'extrait que vous avez entendu était donc un extrait du Truman Show, et vous l'aurez entendu, Ariel Suami, finalement, les mots du dieu, du producteur, dont la voix française est celle de Georges Clès, peut-être que les auditeurs l'auront reconnu, mais reprend à son compte le lexique spinoziste. Il dit finalement, pour que la personne elle-même qui est victime de ce jeu puisse se libérer, il faut qu'il soit déterminé à chercher la vérité. Or, toute la question est là, c'est va-t-il avoir le courage de reconnaître cette détermination, ou est-ce qu'il va préférer rester prisonnier du jeu à vie? Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est effectivement un des enjeux principaux de l'éthique, puisque toute la quatrième partie de l'éthique est consacrée à la force des passions qui nous poussent à rejeter la vérité, parce que nous avons toujours une petite connaissance des vérités, mais tout le problème vient du rapport de force entre la raison et les passions. C'est-à-dire que nous avons beau connaître certaines choses, le désir, lui, va plutôt dans le sens inverse, et avant que le désir rationnel, c'est-à-dire le désir de connaître le vrai, soit suffisamment fort pour vaincre les désirs contraires qui nous poussent à nier ou à cacher ou à dissimuler ou simplement à ne pas vouloir développer les idées vraies que nous avons, il peut se passer beaucoup de temps et voire toute une vie. La plupart des hommes, en fait, se maintiennent effectivement dans l'imagination et en particulier dans cette agréable illusion qu'est le libre arbitre. Il est peut-être au départ plus agréable de s'imaginer souverain, maître de ses passions, de ses désirs, tout simplement parce que les passions elles-mêmes nous poussent à croire à ce libre arbitre. Si je suis par exemple, je ne sais pas, addict à la cigarette ou à l'alcool, il y aura quelque chose en moi qui me dira « mais je suis libre de faire ça et qu'on vienne pas m'embêter ». Alors, il faut un certain temps pour que la vérité développe sa propre puissance. Et ça, c'est ça qui est assez compliqué, c'est tout l'enjeu effectivement de l'éthique. Il y a quelque chose de déconcertant, hein, et c'est pour ça que l'exemple de Truman dans le Truman Show est assez parlant, parce que le jour où il va se rendre compte qu'en fait c'est une star à son insu d'une émission de télé-réalité mondiale, c'est le monde qu'il tenait pour vrai qui s'effondre. Le lecteur de l'éthique de Spinoza, qui va lui aussi réaliser que ce qu'il tenait pour vrai n'était en fait que le fruit de son ignorance, que ce qu'il appelait liberté n'était qu'en fait qu'une série causale qui le détermine, va ressentir la même chose. Il y a quelque chose de l'ordre d'un changement radical de conception avant et après la lecture de l'éthique. Peut-être qu'il y a effectivement eu ce que Freud appellera plus tard une blessure narcissique à s'apercevoir ou à prendre conscience que nous ne sommes pas aussi libres, ou du moins que nous ne sommes pas libres de la manière dont nous l'imaginions. Je ne suis pas absolument convaincu de cela, parce qu'il me semble que ce que le spinozisme donne en retour, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire une véritable une véritable conception de la liberté qui est fondée non plus sur simplement sur rien, en fait, sur simplement une ignorance, mais sur une connaissance bien précise de ce que nous sommes, de ce que nous désirons vraiment, de ce qui est surtout de ce qui est utile pour nous. Là, il insiste beaucoup sur l'utilité de la doctrine qu'il développe, et il montre en particulier que la croyance au libre arbitre, elle mène à deux passions particulièrement négatives chez les hommes, qu'il appelle dans le court traité, une note de jeunesse, la haine et le remords. Le remords, pourquoi ? Parce que lorsque nous faisons des choses que nous regrettons, nous croyons l'avoir fait par libre arbitre, alors nous redoublons de tristesse, parce que nous nous accusons nous-mêmes. Et puis la haine également, puisque lorsque quelqu'un, un autre homme, nous fait du mal, nous imaginons qu'il l'a fait librement, et donc nous le haïssons d'autant plus. Si nous savions que nous avons été déterminés et que lui a été déterminé par des causes nécessaires, qui sont les causes de la psychologie humaine, alors nous serions beaucoup plus indulgents et nous aurions beaucoup moins de difficultés à résoudre les conflits humains. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Vous citez Freud, on pourrait aussi entendre ce que vous êtes en train de dire et ce que dit Spinoza comme étant le procédé qui est à l'œuvre dans la psychanalyse, justement, qui consiste à comprendre les désirs qui nous détermine et, ce faisant, y acquiescer ou y consentir et ainsi retrouver peut-être une forme de liberté avec soi-même. Oui, alors le cas de Freud, il est certain que Freud se situe lui-même délibérément, il l'a dit, dans un esprit spinoziste, dans la mesure où il reconnaît, où il pose l'existence d'un inconscient, et cette idée d'inconscient est déjà présente chez Spinoza, même s'il n'utilise pas le terme. Il y a quand même... Ah oui ? Non, il n'utilise pas le terme d'inconscient, mais il y a effectivement, on peut le dire, c'est Deleuze le dit, il a raison, il y a un inconscient de la pensée qui correspond à l'ignorance où nous sommes des mécanismes corporels. De même que nous ignorons les mécanismes corporels qui nous poussent à vouloir ceci et cela, de même nous ignorons les déterminismes intellectuels, donc il y a tout un inconscient qui nous pousse à penser ou à désirer telle ou telle chose. Mais la grande différence entre Freud et Spinoza, c'est que pour Freud, l'inconscient, c'est du conscient refoulé. C'est-à-dire qu'il a été à un moment conscient, et puis ensuite, l'esprit l'a rejeté parce que ça le gênait, et donc il a été rejeté dans l'inconscient, et à partir de là, cet inconscient, on essaye de le décrypter par un système de signes. Mm-hmm. Chez Spinoza, il n'y a pas du tout cette idée. L'inconscient, c'est du pur inconscient, c'est-à-dire de l'inconnu. Simplement, il n'a jamais été conscient, en tout cas pas pour nous. Et par conséquent, ce n'est pas par un système de signes et d'interprétations qu'on va explorer le domaine de l'inconnu de la pensée, mais c'est par la philosophie elle-même, c'est-à-dire par la connaissance de la nature humaine et de ses lois. Alors pour bien essayer de comprendre en quoi la position de Spinoza a quelque chose d'absolument novateur en son siècle, on va écouter un texte de Descartes qui expose une conception de la liberté qui s'oppose en tout point à celle de Spinoza. Descartes est contemporain de Spinoza, mais qui est né avant lui quand même. Donc il a écrit ces textes avant que Spinoza lui-même n'écrive son éthique. Dans le texte qu'on va entendre, c'est une lettre au père Mélan qui date du 9 février 1645. Il parle de ce qu'il appelle la liberté d'indifférence, qui fait qu'elle ne, finalement, face à deux choses, je ne suis pas poussée vers l'une plus que vers l'autre. N'est-ce pas là la vraie liberté ? Et justement, celle-ci donc se situerait indépendamment de toute forme de détermination. L'indifférence me semble signifier l'état dans lequel se trouve la volonté lorsqu'elle n'est pas poussée d'un côté plutôt que de l'autre par la perception du vrai ou du bien. Et c'est en ce sens que je l'ai prise, lorsque j'ai écrit que le plus bas degré de la liberté est celui où nous nous déterminons aux choses pour lesquelles nous sommes indifférents. Mais peut-être d'autres entendent-ils par indifférence la faculté positive de se déterminer pour l'un ou l'autre de deux contraires, c'est-à-dire de poursuivre ou de fuir, d'affirmer ou de nier. Cette faculté positive, je n'ai pas nié qu'elle fût dans la volonté. Bien plus, j'estime qu'elle s'y trouve non seulement dans ces actes où elle n'est poussée par aucune raison évidente d'un côté plutôt que de l'autre, mais aussi dans tous les autres. À tel point que, lorsqu'une raison très évidente nous porte d'un côté, bien que moralement parlant nous ne puissions guère choisir le parti contraire, absolument parlant néanmoins, nous le pouvons. Car il nous est toujours possible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu ou d'admettre une vérité évidente, pourvu que nous pensions que c'est un bien, d'affirmer par là notre libre arbitre. Suami, peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre davantage non seulement ce texte et ce qui oppose Descartes et Spinoza, en essayant de définir ce que Descartes entend par libre arbitre. C'est le fait de n'être déterminé par rien, c'est ça? Oui, donc en cela, il est l'héritier de Saint-Augustin et de toute une longue tradition qui pense qu'effectivement l'homme dispose d'un libre arbitre absolu, donc de la capacité de commencer quelque chose à partir de rien, et donc de choisir entre deux choses, une direction ou une autre. Alors, dans le texte au Père Mélan est assez complexe parce qu'il étudie deux hypothèses. Dans la première hypothèse, au fond, Spinoza en parlait justement dans la lettre que vous avez citée tout à l'heure. Mmh. C'est le cas où il y a deux possibilités extrêmement légères. Je peux aller à droite ou à gauche, je n'ai pas vraiment de raison, et puis ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, c'est dans ces cas-là, justement, que, selon Spinoza, nous avons tendance à croire que nous pouvons facilement choisir arbitrairement et donc que nous disposons d'un libre arbitre. Mais alors ce qui est intéressant chez Descartes, c'est que il va plus loin, il dit en fait cette liberté d'indifférence, elle est présente tout le temps, y compris lorsque nous avons la connaissance absolument certaine de quelque chose de vrai ou de bien, nous pouvons toujours le nier, nous pouvons toujours choisir le mal, nous pouvons toujours choisir le faux. Nous avons cette possibilité supérieure, souveraine, et c'est là qu'on retrouve l'idée dont je parlais tout à l'heure, analogique avec le Dieu créateur, qui crée absolument librement, arbitrairement, ce qu'il veut créer, qui se retrouverait donc chez l'homme. Voilà ce que pense Descartes, et ce contre quoi Spinoza proteste. Il pense que pas du tout, en réalité, dans tous les cas, nous sommes toujours déterminés par peut-être quelque chose que nous ne percevons pas lorsque c'est vraiment très léger, ou bien lorsque nous avons absolument la connaissance du vrai, nous sommes déterminés à l'approuver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir une idée vraie et le fait d'affirmer cette idée vraie, c'est exactement la même chose, c'est l'idée elle-même qui s'affirme en nous. Alors que pour Descartes, il y a d'un côté l'idée qui est comme une sorte de tableau neutre, et puis notre volonté qui l'approuve ou qui le désapprouve de l'extérieur. Voilà toute la différence entre les deux conceptions. Et l'idée même de volonté a-t-elle un sens pour Spinoza ? Ben, la volonté, au fond, c'est la même chose que l'appétit, que le désir. Ce sont trois termes qui désignent à peu près la même chose. La seule différence, c'est la conscience plus ou moins précise que nous avons des causes qui nous poussent à désirer ou à vouloir. Oui, ce qui veut dire que pour Spinoza, s'il n'y a pas d'opposition entre volonté et désir, il n'y a pas non plus d'opposition entre raison et désir. Et ce qu'on a tendance à considérer aujourd'hui comme étant deux choses distinctes, d'un côté le domaine rationnel, de l'autre le domaine, disons, affectif, ne sont pas aussi distincts chez Spinoza. On en revient aussi à la définition qu'il propose du corps et de l'esprit, qui ne sont pas deux substances différentes, au contraire, c'est deux aspects d'une même chose. Finalement, c'est ce monisme-là, donc cette absence de dualisme, qui engage toute une nouvelle conception de la liberté, mais surtout de l'homme. Oui, alors effectivement, il y a le pendant de cette conception de cette critique du libre arbitre, c'est la critique aussi du rapport entre le corps et l'esprit. Pour Descartes, par exemple, l'esprit peut commander au corps et donc le faire obéir. Inversement, le corps peut déterminer l'esprit à faire certaines choses. Et donc, il y a un rapport entre les deux d'utilisation. L'esprit peut commander au corps. Alors que pour Spinoza, c'est impossible. Il n'est pas possible que l'esprit commande au corps, ni que le corps influe l'esprit, puisque c'est une seule et même chose vue sous deux aspects différents. D'un côté, l'aspect matériel, de l'autre, l'aspect spirituel. Mais en réalité, c'est une seule et même chose. Donc, imaginez que ce qui est spirituel puisse agir sur ce qui est corporel. Ce que Descartes d'ailleurs n'arrivait pas vraiment à expliquer, il le constatait mais il ne l'expliquait pas. En réalité, tout ça est une illusion selon Spinoza. En fait, c'est là que s'enracine l'illusion principale dans le fait de croire que l'esprit peut agir sur le corps. Mais pourtant, nous en faisons l'expérience quasiment quotidiennement d'un désir du corps qui irait à l'encontre d'un désir rationnel. Vous parliez tout à l'heure de cette force désirante que Spinoza appelle le conatus et qui fait qu'il nous maintient en vie, cet appétit de vivre, ou je ne sais pas comment il le dirait. Nous avons des désirs qui vont contre cette volonté de rester en vie, justement. Celui qui fume sait très bien qu'il se nuit, et pourtant il le fait, et ça correspond à un désir. Donc il y a bien une contradiction qui entre parfois. Oui, il y a une contradiction, mais il y a une contradiction entre les désirs. C'est-à-dire que le désir de fumer n'est pas quelque chose qui est du corps, c'est quelque chose qui est de l'esprit, qui correspond à quelque chose sans doute dans le corps, mais qui correspond aussi à quelque chose dans l'esprit. Donc il n'y a pas que des désirs rationnels, il y a un grand nombre de désirs passionnels, et il y a des désirs de la raison. Et tout le problème est de faire en sorte que les désirs de la raison soient plus forts que les désirs passionnels qui nous entraînent dans des directions néfastes. Et c'est là tout l'enjeu. Donc en fait, l'opposition n'est pas entre l'esprit et le corps. Il est à l'intérieur de l'esprit, ou bien à l'intérieur du corps d'ailleurs, entre deux types de désirs. Des désirs dont nous ne sommes pas véritablement les causes, qui s'imposent à nous de l'extérieur. Par exemple, le désir du fumeur, ça veut dire en fait, le désir du fumeur, c'est quoi? C'est le désir qui est dans la nicotine elle-même et dans toutes les substances que les fabricants de cigarettes mettent dans leur poison. C'est là, en fait, qu'est la véritable pulsion du désir du fumeur. Mais comme il ne le sait pas, il ne ressent que son désir d'allumer une nouvelle cigarette, alors il s'imagine, encore une fois, être libre. Mais tout ça se passe non pas dans le corps contre l'esprit, ça se passe déjà dans l'esprit. Et le problème, donc, c'est à l'intérieur même de l'esprit d'opposer deux types de désirs, désir passionnel, désir rationnel. Oui, mais c'est là que vous venez de formuler une objection à Spinoza, parce que le fait de savoir que fumais-tu n'empêche pas de vouloir fumer. Indépendamment de la dépendance à la nicotine, n'y a-t-il pas une forme de désir de destruction qui va à l'encontre du désir de vie et qui, justement, est contradictoire avec ce désir de vie? Et que le fait de savoir quelque chose, la connaissance du bien, ne m'empêche pas de faire le mal, en fait, y compris de me faire du mal, de me nuire. Tout à fait, on retrouve le problème qu'on évoquait tout à l'heure et qui est tout le problème de la quatrième partie de l'éthique, la plus longue hein, de toutes les parties, les cinq parties de l'éthique, parce que c'est effectivement un problème très, très complexe qui est d'expliquer, de comprendre pourquoi ces désirs qui nous sont néfastes triomphent des désirs qui sont bons. Pourquoi, autrement dit, la passion est dans la plupart des cas, et chez la plupart des hommes, supérieure à la raison. Et ce Spinoza l'explique par le fait que les causes extérieures néfastes, comment dire, pénètrent à l'intérieur de notre propre domaine et nous poussent effectivement à vouloir des choses qui sont néfastes pour nous. C'est la question qui est posée dans le traité théologico-politique, et c'est expliquer pourquoi les hommes combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. Et c'est là encore qu'on retrouve d'ailleurs le caractère néfaste de l'illusion du libre-arbitre, c'est que c'est le virus principal par lequel les passions mauvaises s'introduisent en nous, parce que non seulement elles ont leur propre force, hein, la nicotine a sa propre force, mais elle s'appuie sur l'illusion du libre-arbitre. Elle prend appui en nous là-dessus pour pouvoir s'imposer. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faudra lutter contre cette illusion, parce que c'est elle qui est le dynamiseur de ces passions. Alors comment rester libre, justement, comment est-ce que rendre compatible l'affirmation que ce que nous appelons liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent et ce qu'on appelle la responsabilité? Si ce sont les déterminations qui nous régissent, alors dans ce cas, on peut tout à fait invoquer ces déterminations pour justifier les actes que nous commettons, y compris les actes dits mauvais. Cette question de la responsabilité, évidemment, Spinoza se l'est posée. Voici un troisième texte, c'est une lettre au très noble et savant Henri Oldenburg, rédigé à La Haye le 7 février 1676. Nous sommes inexcusables devant Dieu, parce que nous sommes au pouvoir de Dieu comme l'argile dans la main du potier. Ceci doit être entendu en ce sens que personne ne peut adresser de reproche à Dieu, parce que Dieu lui a donné une nature faible ou une âme sans vigueur. Comme il serait absurde, en effet, que le cercle se plaignît parce que Dieu ne lui a pas donné les propriétés de la sphère, ou un enfant qui souffre de la pierre parce que Dieu ne lui a pas donné un corps sain. De même, un homme sans vigueur en son âme ne peut se plaindre parce que Dieu lui a refusé la force morale, la connaissance vraie et l'amour de Dieu lui-même, et lui a donné une nature si faible qu'il ne peut contenir et régler ses désirs. Mais, insistez-vous, si les hommes pêchent par une nécessité de nature, ils sont excusables. Voulez-vous dire que Dieu ne peut s'irriter contre eux, ou qu'ils sont dignes de la béatitude, c'est-à-dire dignes d'avoir la connaissance et l'amour de Dieu? Si c'est dans le premier sens, je l'accorde entièrement. Dieu ne s'irrite pas. tout arrive selon son décret. Mais je ne vois pas que ce soit là une raison pour que tous parviennent à la béatitude. Les hommes, en effet, peuvent être excusables et néanmoins privés de la béatitude et souffrir des tourments de bien des sortes. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Pour interroger cette question de la responsabilité, Spinoza introduit le terme de béatitude. On ne l'a pas encore prononcé, Ariel Suami, et pourtant c'est peut-être le but même de l'éthique qu'on trouve dans le dernier livre, hein, justement, la béatitude comprise comme une forme de joie suprême à laquelle la raison pourrait nous faire parvenir. Quel est le lien? Alors, il semble dire que finalement nous sommes responsables, mais que être responsable de ses actes n'est pas forcément une garantie d'accéder à cette béatitude, c'est ça? Je ne sais pas s'il dit. En fait, c'est plutôt Oldenburg, c'est-à-dire celui qui lui écrit, qui lui transmet l'objection récurrente, alors pour le coup absolument récurrente depuis l'époque de Spinoza jusqu'à aujourd'hui, oui, régulièrement faite au spinozisme, et qui dit mais alors si nous sommes totalement déterminés partout, tout le temps, dans tout ce que nous faisons, est-ce que ça ne va pas servir d'excuse pour les méchants qui sont poussés, encore une fois, à leur passion? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prôner l'irresponsabilité? Et Spinoza répond, la question n'est pas là, en fait, pour lui, la question n'est pas là. La question est de savoir quelles sont les conséquences de ce que nous faisons, les conséquences naturelles. Et si nous sommes capables de comprendre ce qui nous détermine et si nous sommes capables d'agir de manière rationnelle, alors automatiquement, en quelque sorte, la béatitude survient, puisque à ce moment-là, nous sommes exactement dans l'esprit même de Dieu, qui par définition est lui-même dans la béatitude. Au contraire, celui qui n'est pas capable de maîtriser ses passions, celui-là est privé de la béatitude. Mais il faut bien voir qu'il est privé de la béatitude, non pas par un Dieu juge, alors là on n'est plus dans l'idée du Dieu créateur, on est dans l'idée du Dieu juge qui viendrait de l'extérieur punir ou sanctionner aussi bien les bonnes actions que les mauvaises actions en distribuant les béatitudes ou l'absence de béatitude ou en envoyant les gens en enfer ou au paradis. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, ça c'est une représentation imaginaire propre aux ignorants. La béatitude est la conséquence nécessaire de l'action vertueuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la vertu et sa récompense. Donc là encore, nous devons nous passer d'un dieu extérieur qui distribuerait et qui ferait la courroie de transmission entre la vertu et sa récompense, ou entre le vice et sa sanction. En réalité, la sanction est toujours contenue dans l'acte lui-même. Oui, mais ça ne répond pas à la question de la responsabilité vis-à-vis d'autrui. Ça répond à la question de la responsabilité vis-à-vis de soi. Nous sommes responsables de nos actes et le comprendre, c'est faire un pas vers la béatitude. Mais qu'en est-il des actions que nous commettons qui nuisent à autrui? Nous sommes entièrement déterminés, mais pourtant responsables. Un criminel est responsable de ses actes, même s'il peut faire la liste des causes qui ont conduit à son crime. Alors c'est là que Spinoza est particulièrement scandaleux, peut-être, parce qu'il dira, il donne l'exemple un peu plus loin, je crois, dans la même lettre ou dans une lettre suivante, où il dit, écoutez, quelqu'un qui est mordu par un chien enragé, on n'y peut rien, il est parfaitement excusable, mais enfin il est dangereux, donc on le tue à son tour pour préserver les autres hommes. Et il en va de même de ce qu'on appelle les criminels. De toute façon, la question n'est pas du tout de savoir si nous sommes justifiés à les condamner, la question est simplement de savoir s'ils sont nuisibles ou pas. S'ils sont nuisibles, eh bien on doit les éliminer d'une façon ou d'une autre, ou les corriger si on peut le faire, sinon les écarter. Mais ce que Spinoza récuse complètement, c'est effectivement le discours de responsabilisation qui consiste à dire non seulement on va vous punir, on va vous écarter de la société d'une façon ou d'une autre, mais en plus on va vous dire que vous le méritez, que cela est justifié. Non, ça n'est pas plus justifié qu'autre chose, ça n'est pas plus justifié que par exemple le fait que le cercle ait les propriétés du cercle et pas celles du triangle, ou que l'enfant malade n'est pas un corps sain. Tout ça relève du même déterminisme universel, et donc ce qu'on appelle le méchant traditionnellement n'est pas plus responsable ou irresponsable qu'un autre de ce qu'il fait. Mais ça veut dire que nous ne sommes jamais vraiment auteurs de nos actes? C'est aussi une illusion? Au contraire, je pense que lorsque nous connaissons les causes qui nous déterminent, alors nous sommes totalement les auteurs de nos actes, puisque nous pouvons très exactement en rendre raison. Donc là, à ce moment-là, nous sommes les auteurs de nos actes. Inversement, celui qui ne peut pas rendre raison de ce qu'il fait, qui ne connaît pas les causes et qui s'imagine donc les faire librement, lui, effectivement, n'est pas l'auteur de ses actes. Mais alors, celui qui est auteur de ses actes peut être reconnu comme responsable de ses actes. Pourquoi fait-il une distinction entre les deux ? Ça dépend ce qu'on entend par responsable. Le terme de responsable renvoie plutôt à un discours juridique, à savoir, dans le cadre d'un procès, on doit répondre de ses actes en disant « voilà, j'ai réellement voulu le faire ». S'il s'agit simplement de dire « je l'ai fait volontairement » ou « je ne l'ai pas fait volontairement », ce n'est pas la question qui intéresse Spinoza. Ce qui intéresse Spinoza, c'est « quelles sont les causes qui m'ont déterminé à agir ?» Alors, on peut imaginer d'ailleurs qu'un criminel qui donc agit de manière néfaste et pour lui et pour les autres, découvre les raisons pour lesquelles il a agi et à ce moment-là se corrige. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il pourra répondre de ses actes, c'est-à-dire qu'il cessera d'être criminel dans la mesure où il a progressé. On retrouve cette idée quand on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il aura progressé dans la liberté, il se sera libéré des illusions initiales. En ce sens-là, peut-être que l'idée de responsabilité peut avoir un sens, mais enfin, on en trouve très très peu d'occurrences sous la plume de Spinoza. Encore une fois, c'est l'autre, c'est son interlocuteur qui lui parle de responsabilité. Mais ce n'est pas une question qui intéresse Spinoza. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pense pas la possibilité pour plusieurs sujets de vivre ensemble. Il y a les textes politiques de Spinoza dont on parlera notamment demain en réfléchissant au rôle de l'État. Et il semble même y avoir, enfin je ne sais pas, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a presque deux Spinoza. Il y a le Spinoza de l'éthique et il y a le Spinoza qui s'intéresse à la manière qu'a chaque sujet qui n'est pas forcément parvenu au terme de l'éthique de vivre les uns avec les autres dans un cadre public, dans un cadre collectif. Oui, alors d'abord, à partir du moment où nous agissons rationnellement, ça veut dire que nous agissons conformément aux lois de la nature humaine, et par conséquent, nous n'avons que des désirs qui sont bons pour les autres également, puisque c'est une seule et même nature humaine qui nous est commune à tous. Donc l'homme rationnel, par définition, est propice aux autres. Cela dit, dans la société, bien entendu, la société n'est pas constituée d'hommes rationnels, les hommes rationnels sont très rares. Donc le problème politique, qui va devoir être traité séparément, consiste à faire en sorte que les hommes agissent comme s'ils étaient déterminés par la raison, mais en fait pour d'autres raisons, pour des causes passionnelles, c'est-à-dire par peur, par espoir, par désir de vengeance, enfin, de toute façon pour des raisons non rationnelles. Mais ce qui intéressera Spinoza dans le domaine politique, c'est de constituer des constitutions qui tiennent compte des passions humaines, donc qui soient réalistes, qui concernent les hommes tels qu'ils sont réellement et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient dans un monde idéal, mais qui préparent ou rendent possible au moins le passage à la raison pour le plus grand nombre possible. Ah, donc la politique peut elle-même nous aider à accéder au domaine de la raison, tout comme le texte de l'éthique. Bien sûr, c'est pour ça que Spinoza s'intéresse à la politique essentiellement, c'est-à-dire ce qui intéresse, c'est de savoir comment le plus grand nombre possible peut accéder à la lecture de l'éthique, si je puis dire. Et justement, un dernier mot sur cette lecture de l'éthique, ça s'appelle l'éthique, il faut l'entendre l'éthique comme étant opposée à la morale, comment vous définissez l'éthique ? Question intéressante parce que Spinoza ne la définit jamais, et d'ailleurs le terme n'est jamais définit. C'est pour ça que je vous la pose. Donc sur cette absence se sont engouffrés les commentateurs, le plus fameux étant Gilles Deleuze qui a effectivement opposé l'éthique à la morale en montrant que d'un côté il y avait la morale de la loi, du devoir, du juge, du dieu juge, etc. Et puis de l'autre, l'éthique spinoziste, qui n'est plus du tout dans ce domaine-là, mais qui s'intéresse aux explications des comportements, à la manière dont les hommes se comportent réellement, à ce qui produit leurs affects, et à la façon dont nous pouvons nous comporter selon que nous sommes régis par la passion ou bien régis par la raison. Donc dans cette mesure, on peut opposer effectivement l'éthique à la morale, mais en réalité, Spinoza ne s'est jamais expliqué sur la raison pour laquelle il a appelé son ouvrage, que d'abord il avait appelé simplement philosophie, finalement il l'a appelé éthique. Sans doute un hommage à l'éthique d'Aristote, puisque la plus fameuse éthique avant celle de Spinoza est celle d'Aristote. Mais enfin, il y a sans doute d'autres raisons encore qui font qu'il a choisi ce terme. Merci beaucoup Ariel Suami d'être venu nous en parler ce matin. Enfin, je dis d'être venu, d'en avoir parlé depuis chez vous. Merci d'avoir bravé les défis techniques pour permettre cette discussion. Je renvoie les auditeurs aux ouvrages sur Spinoza que vous avez écrits. Ils sont nombreux. Et dans votre dernier livre, justement, vous faites de Spinoza un penseur de l'équilibre. C'est une lecture réjouissante. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Freedom comes, freedom goes. Tell me yes and let you tell me no. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mesnin-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ces dernières semaines, j'ai constaté que je recevais beaucoup plus de messages, d'appels et de mails que d'habitude. Normal, nous sommes tous confinés et il ne reste que ça pour communiquer. J'ai pourtant remarqué deux phénomènes intéressants dans ce surplus de communication. D'abord le fait que l'on se demandait beaucoup plus comment on allait, et aussi le fait que ressurgissaient des personnes oubliées, des personnes du passé. D'où ma question, faut-il attendre une crise pour rétablir le contact ? J'allume mon ordinateur, je me connecte, bienvenue. Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots. Vous avez un message. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. À l'inverse, la personne qui se cachait derrière ce numéro semblait très bien me connaître. J'espère que tu vas bien et que ta petite famille est bien confinée. Je pense beaucoup à toi, bon courage, je t'embrasse. Voilà en substance le message que j'ai reçu. Dommage pour moi, il n'était pas signé. J'ai envoyé le numéro à différents amis ou proches, personne n'a su m'éclairer. Mais qui était donc cette personne, assez à l'aise avec moi, assez proche de moi pour ne pas signer son message et me parler de ma famille ? Qui était cette personne avec laquelle j'avais dû être proche ? Aucun indice, rien ne transparaissait. J'y ai pensé pendant plusieurs jours, j'ai hésité à répondre un simple « tout va bien, moi aussi je pense à toi », mais je trouvais ça malhonnête. J'aurais pu rajouter un « désolé, mais qui es-tu ?», mais je trouvais ça impoli. Bref, au bout de quelques jours d'hésitation, je n'ai finalement rien répondu et j'ai laissé ce message emporter avec lui son mystère. Pourtant, il a continué à me trotter dans la tête, car je me suis demandé « que reste-t-il de ces contacts dont on n'a plus le contact et avec lesquels on n'a plus aucun contact ? Sont-ils encore des contacts ? Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit ? Du pop-corn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Ben justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle ? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Ce genre de situation où une personne vous contacte en toute légitimité et en toute tranquillité, mais où vous le recevez comme une irruption troublante, pourrait être une variante de l'inquiétante étrangeté. D'abord parce qu'on se retrouve toujours à se demander d'où vient l'erreur. Pourquoi n'ai-je pas reconnu cette personne censée m'être connue? Est-ce celle qui se trompe de numéro ou est-ce moi qui ai perdu la tête? Qui est le fou, moi ou elle? Ensuite parce qu'on se retrouve à vivre sur le mode de l'intrusion, une intervention qui ne s'est pourtant pas présentée comme telle, qui se voulait même sympathique. Et surtout, si je fais la synthèse des deux, parce que ce genre de situation nous rappelle à quel point un contact, quel qu'il soit, même quand on le reconnaît ou qu'on l'apprécie, garde toujours quelque chose d'étranger, d'impromptu, de dérangeant, et chacun de ces messages de nous faire dire « mais que me veut-il celui-là ?» Car moins qu'un ami, mais plus qu'un inconnu total, le contact tient cette place intermédiaire qui n'est ni indispensable ni insignifiante dans sa vie. Cette place plus vaste que les amis qui se comptent sur les doigts d'une main, mais plus vague que les connaissances mondaines. Au fond, le contact, les contacts qu'on a tous classés dans nos téléphones, ont ceci de paradoxal. Nous ne sommes jamais vraiment en contact avec eux. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Quand on y pense, on ne parle jamais d'un ami comme d'un contact, d'une simple relation. On ne demande jamais le contact, ses coordonnées d'une personne que l'on aime, on les connaît ou on les a déjà. Et rien de pire que le « on reste en contact » qui n'a rien de l'envie mais tout de l'obligation à voir quelqu'un. Tous ces numéros enregistrés puis oubliés forment certes un répertoire, un fond de données, mais ils ne disent rien de la nature de nos liens. Ils ne sont pas une matière vivante ou les témoignages de notre environnement. Je suis d'ailleurs toujours étonnée en changeant de téléphone de redécouvrir ces noms et ces chiffres rencontrés dans une autre vie. Ils sont les traces d'un passé révolu. Peut-être pourrais-je rétablir le contact, mais au final, qu'aurais-je à leur dire ou à leur communiquer? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Clara de Giovanni, Nicolas Berger qui réalise cette série d'émissions, à la prise de son aujourd'hui Olivier Arnay, merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison, à Éric Herson-Macarel pour la lecture des textes spinozistes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour des malentendus spinozistes. Demain, on tentera d'expliquer pourquoi la phrase de Spinoza qui affirme que la vertu de l'État, c'est la sécurité, n'exclut pas la prise en compte de la liberté, question ô combien actuelle. Nous serons en compagnie de la professeure de philosophie Céline Hervé. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À demain, 10h. D'ici là, restez chez vous, à l'écoute sur France Culture.